Floride. Si tu venais dans mon quartier pour changer mon chèque, moi aussi je vais chez Cartier. Fuck that, le reste économise pas sur le BS. Moi je connais du monde, la corde au cou, pis malade de stress. Salut, j'beurre de peanuts, rien que ton père de culottes. J'ai pas plus de t-shirt, fuck le church up. House de psycho, trop de pilules vite à l'hosto. Life de psycho, pas de cellule, mais une vie à l'hosto. Bam, c'est le moment pleine face. Trop de stress accumulé, puis une vie qui est pleine de cash. 10-4, j'cape une fréquence. Une présence, puis c'est quoi les conséquences, faut que j'y pense. J'en ai vu des blessés graves, j'en ai vu des beiges, les graves. Pas une crise de scène, puis poignée dans le fond d'une cave. Plein de cicatrices, j'pense que pas que dans ta matrice. Si tu creuses pour mon brain, t'as besoin d'excavatrice. Si tu vis comme nous autres, tu pars comme nous autres, tu t'es botch comme nous autres, si tu vis comme nous autres, tu es tué, on survit tout comme des fauves. Fuck ce monde pourri, on veut pas finir pauvre. Yeah, I'm poor, fucking living hardcore. Really doesn't matter, cause I'm coming after y'all. Yo, I got no life, got no money, do you have some life? Hey, I got up? This bag of weed that's gonna make me feel alright. So watch me out when I'm coming, blazing up a spliff. Watch me out when I'm coming, raising up my fist. Cause I'm still standing up, still don't give a fuck. Ain't no one down here that's gonna fucking shut me up. I'm taking over, put the world on my shoulders. When I grab the mic, blowing up the shit like I told you till it's over. I'm gonna live like a soldier, blowing every fucking thing out of my face for the pleasure. Get the fuck out of my way, get the fuck out of my face. If you don't, bitch, I'm telling you, you better dig your grave. It's a hard living, everybody wants a position. If I get it, fuck all you bitches, I'm not giving. Si tu vis comme nous autres, tu pars comme nous autres, tu débarques comme nous autres. Si tu vis comme nous autres, tu es tué, on survit tout comme des fauves. Fuck ce monde pourri, on veut pas finir pauvre. Hey man, cap pas la scène. Y'en a assez pour tout le monde, you know what I'm saying? TH Production, once again, straight in your motherfucking face. Murder.